Le banquet en l'honneur des participants à la 4e conférence des pêcheurs exemplaires de l'armée populaire de Corée s'est déroulé le 31 décembre de l'an 105 du juillet 2016 au restaurant Mongnan à Pyongyang. Y ont figuré également le sous-maréchal Fang Byung-so, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, ainsi que des commandants militaires.